pas ce qui cloche chez moi, c'est pour ça que je traîne près de l'église. Près de la curaille qui touchait des petites en 66. Gamin de province à flash de 10, juste après les 10. Chez moi la moitié à 12-13 ont pris leur première cuite. Chez nous c'est beau, y'a la mer près du port des crackers. Parce que les chalutiers ne ramènent pas que de la bonite. Je vois des anciens devenir gris-gris comme le bitume. Les mêmes qui à 16 ans me proposaient de la cocaïne. Ferme ton claque-mère, Dieu t'a débris, j'suis dans la botanique. La mano verte, ça date pas dire que je roule des mécaniques. Pas psychologue, ce fils de pute, c'est une heure d'autocar. Donc le môme a fait le choix de se soigner, bugueux au ton car. Vers chez moi les soirs d'hiver, 22h plus de lumière. Pour le chauffage, c'est un label 5 dans un hall de banque. 10 ans plus tard, je fais dormir 50 balles dans le cofio. Ça y est, elle est belle, je crois qu'on peut dire que je l'ai eu ma revanche. Pour toutes ces fois où ces chiens m'ont laissé seul sur un banc. À me demander si je suis le problème, à me faire sentir comme un cancre. Pour toutes ces fois où j'en avais la boule au ventre. D'aller plavonner la nuit avec un chlawa dans la veste. Ces fois où j'en ai eu la gorge nouée, d'aller au collège le matin, voir des faces de fils de pute. Pour toutes ces fois où j'étais pas au bon endroit et qu'on me l'a fait ressentir comme s'il voulait que je me tue. C'est juste un autre jour. Demain tout ira mieux. Demain tout ira mieux, ça y est on y est. Dehors il pleut des cordes, sur mon seum je fais un billet. Ça m'a jeté la pierre, je l'ai pris, je les ai lapidés. Maintenant je dilapide mon blé en cadeau pour le petit A2D. Y'a pas de plus beau sourire que celui de ceux que j'aime. Je vais pas te faire le Nasdas mais c'est la vérité. Je veux être le gluon qui sort le cross au gamin. Pas celui qui sort dur pas complètement torché comme un coin. Dehors ça caille, je le savais, j'avais pas l'âge. Dans la tempête en décalage, le môme voulait pas déchanter. J'ai trop blessé son petit cœur, je répare les fissures au mastic. Résine de cannabis et arme semi-automatique. Ça lui évite d'être parano, il donne plus sa confiance en l'autre. Parce que l'autre il a trahi, je lui en veux pas, j'ai fait bien pire. J'essaye d'être bon jusqu'à reposer sous la pierre. Pour ça je ferme pas trop mes yeux, j'essaye d'éteindre le camp adverse. Évidemment des doutes y'en a, et si j'écoutais que la petite voix. Ça ferait longtemps que mon cou serait pendu à un pont de la région. Depuis tout petit j'ai beaucoup de mal avec ces putes de la région. Je leur ai jamais fait d'allégeance, c'est pour ça qu'on m'ostracisait. J'aurais pu en charcler un, ou bien même m'ouvrir les veines. J'ai fait ni l'un ni l'autre, j'ai pas sali mon ADN.